Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Non, pas le vendre! Eh, mes petits sacripants! Hey, non, pas la lampe! Nom de Zeus! Ça, ça venait de mon bureau! Oh, pas mon ordi, pas mon ordi! J'espère que ça, je sais pas mon ordi! Oh, non! Eh, peut-être pas mon ordi! Plutôt un appui-livre! Ah, évidemment, les bouquins qu'il maintenait ont pris le bord du plancher, hein! Quel Capharnaüm. Non, pas là! Hey, non! Et remords de remords, livre qui rôde autour de l'ordi! Oust! Filez, engeance poilue! Ah! Non! Ils ont failli faire basculer le moniteur, les scélérants. Heureusement, il n'y a que la souris qui a écopé. Et les voilà qui filent. Pont des barons. Oh! Les heures que ça va me prendre pour mettre de l'ordre dans tout ça. Oh! Et remords de remords. Qu'est-ce qu'ils ont foutu par terre encore? Oh! Apparemment, ça venait pas d'ici. Hey, remords de remords, mon cadran! Il fonctionne encore, mais la vitre est pétée! Non! Pour ma collection de figurines Star Trek, elle est un effort dans leur emballage! Oh, sacrilège! Foutez le camp! Je vais vous faire la peau! Bandit, malfrat, politicien! Pas la télé! Et remords de remords! Ah ah! Cette fois, je vous tiens! J'ai fermé la porte de mon bureau. Plus d'issue! Hey, mon Dieu, Zeus! Ils m'ont passé entre les pattes! Où sont-ils passés? Ah! Les voilà! Ils se dirigent vers la cuisine. La cuisine? Aïe! Et la vaisselle que je n'ai pas rangée après l'avoir lavée! C'est officiel. Il reste plus rien à caser dans l'appart. Qu'est-ce que je vais faire? Tout s'est miné dans mon petit appartement. C'est plus tenable. J'ai bien essayé de les donner, mais personne n'en veut. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Ils sont mignons tout pleins, pourtant. Bon... Un peu turbulent, c'est vrai, mais ça, je l'ai pas crié sur les toits. Que? Des allumettes? Mais d'où? Oh oh! Ah! Aïe! Il y en a un qui m'a sauté dans le dos! Lâche-moi! Aïe! Évidemment, là où il est placé, impossible de l'atteindre! Et ramouille! Mais qu'est-ce? Oh non! Aïe! En voulant un autre qui me grimpe après la jambe! Aïe! Hey, ça va faire! Aïe! J'en peux plus! Ça y est, moi, patience! J'en peux plus! La paix. Je veux la paix. Picard? C'est là que tu te cachais? Ça fait longtemps que t'es là, toi? Ah, évidemment. Pendant que tu te la coules douce en dessous de l'évier, moi, je suis poigné avec ta progéniture. Tu te rends compte que tes flots ont pété toute la vaisselle qui traînait sur l'armoire? Je constate que ça te dérange énormément. Et moi qui venais de la laver? Avoir su. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, tu sauras. Tu devrais voir l'état de mon bureau. Toujours aucune réaction? Évidemment, mon bureau, c'est loin d'être les préoccupations de Matou, hein, même s'ils s'en sont pris à la souris. Ah, je vois que la souris a titillé ton intérêt. Attends voir. Dans la chambre, ils ont cassé mon cadran, ils ont mordillé la boîte du capitaine Picard. Si, un sacrilège! Je tenais, moi, à ma figurine du capitaine Picard, elle était neuve encore dans sa boîte. Ça ne vaut plus rien, cette heure. Et je t'ai pas parlé du salon. Tu sais, le vase, là? Pété. La lampe? Pété. La télé? Pété. Ah! Je savais bien que ça finirait par t'atteindre. La télé, hein? J'ignore quand j'aurai les moyens d'en acheter une autre, tu sais. Ah, tu sais, mon vieux, ça peut plus durer. Faut trouver une solution pour tes rejetons, et vite. On va ouvrir? Ouais, t'as raison. C'est trop risqué. Quand tu verras qu'il n'y a pas personne, ils vont s'en aller. Mahan, étais-tu là? Here, Boswell. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Mahan, t'es-tu correct? Dans la cuisine, pépère. Boswell, ici aussi. C'est plein de vite pis de canage partout. T'es où dans la cuisine? Je te vois pas. Dans le bas de l'armoire. Qu'est-ce que tu fais là? Les laissez pas entrer, pépère. Surtout, les laissez pas entrer. Qu'est-ce? Aïe, aïe, aïe, il y a quelque chose qui me grimpe après. Aïe, aïe, Boswell. Ne laissez pas entrer, pépère. Bravo, passez, Morgan. Aïe, aïe. Tasse-toi, Morgan, tasse-toi. Et ça presse. Aïe, aïe. Grand bord de tuyau de renvoi de l'évier. Aïe, aïe. Ah ouais, Morgan. Aïe, ne laissez pas entrer, hein. J'ai compris ce que tu faisais ici dans le bas de l'armoire. Les petits menus, hein? Yep. Pis tous les dégâts dans ton appart? Aussi. Ça a plus d'allure, mon hun. Et quand j'ai vu à la place, j'ai pensé qu'on t'avait attaqué. Ben, c'est ça qui est arrivé, papy. Ouais, je te crée. Mais je veux dire, par des bandits. Ouais, je comprends. Non, non, juste des minets. Tu passes-tu bien du temps de même dans le bas de l'armoire? Non, non, c'est la première fois. Mais pas la dernière si tu fais rien, mon hun. Je sais bien. C'est pas parce que j'ai pas essayé, vous savez. J'ai contacté toute ma parenté, mes amis, des voisins, des collègues du journal. Personne ne veut dominer. Ben, s'il était pas si tannant aussi. Ah, ça serait moins pire s'il était pas aussi nombreux. Mais il y a tout de même un truc que je comprends pas. Que vous sachiez qu'ils sont tannants, je veux bien. Vous restez à côté. Mais ce que j'aimerais savoir, là, c'est comment mon troisième cousin de la fesse gauche, que je vois qu'une fois par 10 ans, aux enterrements, peut savoir qu'ils sont tannants. Il sait probablement pas. Mais pourquoi qu'il veut pas dominer, d'abord? C'est pas tout le monde qui aime les menus, tu sais, mon hun. Ah, oui, c'est vrai. Y'en a qui aiment les chiens. Ben, pis des perruches, pis des poissons, des cochons d'Inde, pis des serpents. Ouais, je sais bien. T'as-tu pensé de mettre une petite annonce dans le journal? Yup. Pis? Rien. Rien pantoute? Rien pantoute. Pas la plus petite réponse à mon annonce. Entre vous et moi et la boîte à bois, là, je sais plus quoi faire, moi. Ouais, c'est torieux en Boswell. Ah, coudonc, mon Ren, pendant que j'y pense qu'on est là, tous les deux, assis dans le bas de l'armoire, là, tu pourrais-tu pas me passer une canne de bine? Ma mère est partie voir sa sœur, puis elle m'a laissé toute seule pour souper. Elle me disait que ça serait bon, des bines. Puis, comme elle revient pas avant demain, ma mère aura rien à redire si je pète un peu, puis je pue. Oh, pas de problème. Il semble que j'en ai vu une boîte tantôt en vidant l'armoire. Oui, vous aurez juste à la prendre, hein. Ah, diguidou, merci bien. Tu vas pas ouvrir la porte, Morin? Nope. À cause des petits menus? Yep. Penses-tu qu'il va s'en aller? Ah ben, j'espère. C'est un peu gênant de recevoir de la visite dans le bas de l'armoire. Ouais, pis on est pas trop grandement. C'était pas mal beau ce qu'elle a fait jouer de disc jockey d'Itio. Ouais, pas mal. C'était une pièce de Christian Martin intitulée « If you were here ». Mais j'avais de l'air que la visite s'en ira pas. Mon très cher monsieur, êtes-vous là? Oh, grand Dieu tout-puissant! Tous les diables de l'enfer ont atterri dans son appartement. C'est petit casse, mon jeune! Mon très cher monsieur, mon très cher monsieur, êtes-vous encore vivant? Ben voyons, pas pire. Il est mort d'inquiétude. On peut pas le laisser s'en faire de même. N'est pas, Swell. Oh, Sainte Malvina, priez pour lui. Sainte Malvina, veillez sur lui. Sainte Malvina, fait qu'il ne soit pas mort. Je suis en cuisine, témoin. Oh, doux Jésus, tout ce verre brisé. Êtes-vous sain et sauf, mon très cher monsieur? Oui, oui, témoin, je suis indemne. Mais, où êtes-vous? Dans le bas de l'armoire. Pardon? Nous sommes dans le bas de l'armoire. Vous n'êtes pas seul? Non, Papère et Picard sont avec moi. Que si, ton Picard est ici avec nous autres? Oui, oui, à côté de moi. Vénéré aïeul. Monticas. Ah! On m'attaque! On me trucide! On me crucifie! Non, non! Pire encore! On s'en prend ma virilité! Libérez-nous, Seigneur! Libérez-nous, Seigneur! Ah! Casse-toi, Moran. Il va vouloir nous rejoindre bientôt. Allez, pousse-toi, Picard. Pas souhaite de tuyau! Ne les laissez pas entrer, témoin. Surtout, ne les laissez pas entrer! C'est épouvantable! C'était des démons! Je suis sûr que c'était des démons! J'ai senti leur doigt griffu pénétrer ma peau! Mais non, mon petit casse! J'ai le rue des petits menous! Ah non, non, non, non! Des démons! Des démons griffus, j'en suis sûr! Dis-y donc, mon reine, quand c'est la rue des petits menous! En effet, témoin, ce n'était que des chatons! Non! C'était des démons! Des chatons, témoin. Vous vous souvenez de la progéniture de Picard? La pro? Oui, la progéniture. Vous voulez tout de même pas me faire croire que ce sont les descendants de votre chat qui m'ont assailli? C'est ce que je veux dire, oui. Et votre appartement? Sûrement de ces petits êtres? Sont parfaitement en mesure de mettre mon appartement dans un tel état. Je confirme. Sûrement pas. Alors, rappelez-vous qu'ils sont 10? Ils sont possédés du diable, sûrement. Même pas. Ils ont juste la grouillotte. D'où Jésus? Comme vous dites. Que comptez-vous faire? C'est un plaisir que je vais demander. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Que c'est torieux en Boswell. Oui. Ça semble le cas. Mais encore? Ben, qu'on allait y penser. Est-ce que ce serait long? C'est que j'ai ma tournée à faire, moi. Bah, vous pouvez y aller et vous risquer, témoin. Personne ne vous retient. Non, merci. Tu comptes faire. Tout le monde mérite une journée de congé de temps en temps. Même lorsqu'il s'agit d'évangéliser. Ça oublie tout. Mais en pensant que vous étiez arrivé au garden party de Madame Prudhon, vous avez complètement disparu. On vous a cherché. Je suis rentré chez moi. À pied? Ah, certes non. Une consoeur qui passait par là m'a aperçu, miséreux, étalé sur les marches du balcon de notre bien chère dame. Elle s'est arrêtée. Ayant pitié de moi, elle m'a dit « Prends ton grabat, je te reconduis chez toi. » Ce que je fis et ce qu'elle fit. Ah, vous auriez pu nous avertir. En fait, j'étais persuadée que vous m'aviez totalement oublié. Et puis, dans mon état, je ne portais qu'un gros nuage de misère noire sur votre petite fête. Je me suis dit que vous étiez franchement mieux sans moi. C'était la sonnette de la porte? Yep. Vous n'allez pas répondre? Nope. Mais il n'y a rien qui vous empêche. Oh non, jamais je n'oserais. Après tout, je ne suis pas chez moi. Hein? Vous croyez que la personne à la porte s'entêtera encore longtemps? J'en doute. Vous voulez dire qu'elle quittera? Non. Monsieur Courtemèche! Monsieur Courtemèche! Hé hé! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Que faites-vous dans ma cachette, monsieur Pépère? Je me cache. Mais vous n'en avez pas le droit, c'est ma cachette! T'es là avant toi, ma reine. Ah, moi aussi? Wow. Ainsi que moi! Ah! Il y a quelqu'un sous moi! Permettez moi de rectifier, ma bien chère dame. Je ne suis pas sous vous. Vous êtes sur moi. J'étais dans le premier. Et j'apprécierais que vous sortiez. Et... vous m'écrasez! Goujat! Sans compter et je ne sais plus où mettre les mains, moi. Gardez-les pour vous, vos mains. Oh, c'est là mon désir le plus cher. Mais ça s'avère bien difficile. Vous prenez toute la place. Allez, Mme Coudon, sortez quelques instants. Que ce pauvre témoin puisse se pousser vers nous, au moins. Sortir? Là-dehors? Mais vous n'y pensez pas, Monsieur Courtemèche. On m'a agressé là-dehors. Des centaines de pattes griffues et acérées. Oh, Mme Coudon, une quarantaine tout au plus. Des milliers, vous dis-je? C'est juste des chimanous. Je n'en crois rien. C'était des gargouilles. Oui, des gargouilles malodorantes et griffues. Je suis encore persuadée qu'il s'agit de démons. Juste des chimanous. Je suis intrigué, Mme Coudon. On vous attaque et la première chose que vous songez à faire, c'est d'aller vous réfugier dans le bas de l'armoire. C'est toujours la première chose que je fais lorsque je suis terrorisée. C'est très rassurant, les dessous de comptoir. Toute petite déjà, je me souviens, quand arrivaient des visiteurs, je m'immisçais sous le comptoir de la cuisine entre les pommes de terre et les oignons. Oh, je ne veux pas vous interrompre, mais j'étouffe, moi, ici, là. Ah oui, John Mahon, sors donc deux secondes, t'es en train d'effouiller une petite casse. Ah, je refuse! Si ces agresseurs sont si inoffensifs, pourquoi ne sortez-vous pas vous-même? Ben, voilà qui balaie mes derniers doutes! Malvina, je me meurs! Il faut que tu fasses de quoi, mon jeune? On va être pogné avec un mort, puis ça va puer que le diable! Allez, tâchez de vous soulever, Mme Coudon. Je respire enfin. Oh, que c'est embarrassant! Maintenant, témoin, pouvez-vous vous glisser sous Mme Coudon? Ah, mais pas sans difficulté, hein? Et sans doute pas du tout, si notre vénéré aïeul ne libère pas la place. Hâtez-vous, je ne tiendrai plus très longtemps. Allez, papère, poussez-vous vers moi. Je peux pas, mon hun. T'es là. Allez, pousse-toi, Picard. Ah, désolé, mon vieux, mais c'est pas le moment de faire des manières. Oui. Dieu maudit. Ah! Je m'écroule! Aïe! Ah, vous avez une bonne chose à faire. Oh, que c'est embarrassant! Ça lui sera bien plus si t'avais fouiré le petit casse, Maron. Sans doute, mais tout de même... Non, comment sérieusement être allé, toi, hein? J'espère juste qu'il n'y aura plus personne. Dieu vous entende. Ah, Boswell de Boswell! T'aurais pas pu te la fermer, Maron! Mais... Je suppose que nul n'ira ouvrir. Cela semble, en effet... être le mot d'ordre en ce jour. S'il s'en va pas pis qu'il rentre, on lui dit pas qu'on est ici. Il y a plus de place dans le bas de l'armoire, Boswell. Il se trouverait une autre carrette, c'est tout. C'est bien compris, Mahon? Ben voilà qui est étrange. Nulle réponse malgré mes coups de sonnette répétés. Pas de bruit non plus, bien que la porte soit entrouverte. Que faire? Allez, j'entre avec mon entrain coutumier. Salut mon polo, comment vas-tu? Moi j'ai une pêche d'enfer et damnation! Que s'est-il passé ici? Un tremblement de terre? Sûrement pas. Je l'aurais senti. Plutôt, mon polo se serait fait défoncer. Défoncer? Chut, chut, chut. Plus bas, mon vieux, plus bas. Que disais-je? Ah oui, défoncer. Que voilà une inquiétante idée. D'autant que, ayant trouvé la porte entrebâillée, il n'est pas exclu que les malfrats soient encore dans la place. La sagesse voudrait que je détale comme un lapin. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais j'imagine déjà mon polo, étendu de tout son long, baignant dans son sang. Imagination maudite! Dommage que j'en sois doté. À pas feutré, hasardons-nous vers la chambre à coucher. Ouf, personne. Pas de polo, ni de malfrat. Il semble qu'on s'en soit pris au G.I. Joe de mon polo. Sinon, il n'y a rien à voir. Circulons. J'hésite à pénétrer dans son bureau. La porte est fermée. La pensée de ce que je pourrais trouver derrière me fout la trouille. Allons, mon vieux, un peu de courage, que diable! Rien. Outre un tapis de volume plus ou moins épais. Il ne reste plus que la cuisine. Hands up! Ah! Mac! Espèce d'idiot! Qu'est-ce qui vous prend de me faire des trucs pareils? Well, j'ai vu que la porte était ouverte. Right away, j'ai pensé qu'une chose y était pas correct avec mon vieil. J'ai rentré avec pas de bruit. Puis là, je t'ai vu en train de nosing around. Je m'ai dit, c'est le bandit. C'est là que j'ai eu mon idée de faire semblant d'avoir une gun. Qu'est-ce que tu fais là? La même chose que vous, sans doute. La porte est entrebâillée à mon arrivée. J'ai aussi songé que quelque chose clochait. Puis, en voyant l'état du salon, j'en fus convaincu. Outre le salon, j'ai visité la chambre à coucher et le bureau. Nulle trace des malfrats. La kitchen? Pas encore vue. Nul doute que si les saccageurs sont encore dans l'appartement, c'est là qu'ils se trouvent. J'allais m'y rendre lorsque vous m'avez surpris. OK. Go ahead. Vous ne m'accompagnerez pas? Sure. But je vais checker ta derrière. Vous dites? Oh non, d'accord, j'ai compris. Vous allez surveiller mes arrières. Yeah, that's what I said. Pas tout à fait, mais passons. Ceci dit, je préférais que vous preniez les devants. Oh, well. Okay, Debar, follow me. Ouf, personne. Nope, but as-tu vu tout le dégât? Toutes les vitres puis les cannes à terre. Oui, c'est désastreux. Mais je me demande bien où se trouve mon polo. Bien que je sois soulagé de ne pas l'avoir trouvé baignant dans son sang, son absence m'inquiète. T'as-tu pas vu Picard dans ton visite? Non, aucune trace du matou. Puis les kittens? Non plus. That's strange. Oui, en effet, c'est étrange. Faudrait appeler la police. Vous croyez? Well, avec toutes les dégâts... Oui, vous avez raison. Ah ben non, faites pas ça. Appelez pas la police. Oh, oui. Pourquoi tu t'es ouvert la trappe, mon jeune? Il va vouloir nous rejoindre, la sœur. Mon beau-père, il voulait appeler la police. Puis? Mon polo? Ben oui, c'est moi. Ta voix est bizarre. Es-tu... mort? Of course not. Il est ici. Mon polo, une mauvaise blague? Hey, non, c'est pas une joke. M'aurais donné rien pour voir ta tête quand tu dis... T'es-tu... mort? Prenez garde, cher ami. Il y a, là dehors, d'horribles gargouilles aux pattes griffues. Des démons. Je suis sûr que ce sont des démons. Enfer et damnation! Combien êtes-vous là-dedans? 5 avec Picard. Ah, Picard, il est avec toi? Ah, c'est une bonne chose. J'ai pensé qu'il était parti. Parti? Pourquoi parti? Pis les kittens. Ils sont-tu avec toi? Ben non, Boswell! C'est à cause des autres qu'on est ici! Alors ça, c'est pas bon. Pourquoi Picard serait-il parti? Va-t-on m'expliquer à la fin? Ah, c'est bien simple, le radio. T'as-tu vu tous les dégâts dans la place? Certes. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait penser que mon polo s'était fait défoncer. Ben non. C'est tous les timonous qui ont fait ça. Non. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont de la grouillotte, ces timonous-là. Je veux bien, mais ça n'explique pas votre présence dans le bas de l'armoire. Ah, ça aussi, c'est à cause des timonous. Ils se sont mis à jouer un brin fort, à grimper après nos culottes, puis à nous sauter dans le dos, ben non, sur la tête. Ça fracque. Vous êtes réfugiés, tous autant que vous êtes, dans le bas de l'armoire? C'est un piège, ça! Je crois encore qu'il s'agissait de démons. Plutôt des gargouilles griffues et malodorantes. Toi, t'as pas vu des démons puis des gargoyles dans ton visite, hein? Non, pas de démons ni de gargouilles. Pis pas les kittens non plus, hein? Non plus. Mac, pourquoi Picard serait-il parti? Parce que quand j'ai arrivé, ton porte était un peu ouverte, mon vieil, pis que... Je lui ai dit, moi qui l'avais précédé, que j'avais aussi trouvé la porte entrouverte à mon arrivée. Et remords de remords. C'est qui, Zouave, qui a laissé la porte ouverte? Regarde-moi pas de même, mon jeune! C'est pas moi, je l'ai craché! Je suis innocent, mon très cher monsieur. Je crains d'être la Zouave en question, monsieur Courtemèche. Voyez-vous, je n'avais pas si tôt pénétré dans votre appartement que les gargouilles... Je dis timonou, Maron. Les gargouilles s'en sont prises à moi. Des millions de gargouilles, toutes plus féroces les unes que les autres. Oh, surtout celles qui grimpaient sous ma jupe. Bref, vous n'avez pas fermé la porte derrière vous. J'étais terrorisée, monsieur Courtemèche. Et les chatons ont foutu le camp. C'est pas ça que tu voulais, Maron. T'as débarrassé? Oui, mais pas comme ça, papère. Ils peuvent aussi bien se retrouver dans la rue puis se faire écraser. Ouais, ça sera plate, hein. Ah, je ne vois pas d'autre alternative. Vous êtes tous de corvée. Vous avez fouillé tout le bloc, chaque étage, même la cave, sonné à chaque porte, et vous allez me ramener tous les chatons ici, dans cet appartement. C'est que j'ai ma tournée. Moi, j'ai une levée. Il y a mémé qui est... Rendez-vous d'affaires. Tous les 10. C'est compris? Oui, mon très cher monsieur. Oui, monsieur Courtemèche. Ouais, mon reine. Oui, mon polo. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, déguidinez. Puis? Rien, mon vieil. Vous n'en avez pas retrouvé un seul? Pas un. Mais ça se peut pas, ça. Ils peuvent pas avoir tous disparu comme ça. Avez-vous cherché, au moins? Oh, si nous avons cherché! Boswell, on a fouillé partout, même dans la cave. Moi, je dis quelque chose, Warren. C'est pas drôle pantoute dans la salle des fourneiges. Il fait chaud, puis il y a des araignées partout. Nous avons exploré tous les étages. Avons sonné à toutes les portes. Et personne n'a vu la progéniture de ton chat. Après ça, on a été dans War. Bon, on a fouillé tout partout autour du bloc. En arrière des poubelles, dans les poubelles. Le long de la haie. Dans la haie. On va. Nous avons même ratissé le quartier. No trace des kittens, mon vieil. I'm sorry. Pendant ce temps-là, tu faisais quoi, toi? Du ménage? Ton appartement est encore plus en désordre que lorsque nous sommes partis à la recherche des minets. Si bien que, à notre retour, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tu les avais retrouvés. Mais je me suis ravisé en songeant que, même à 10, il n'avait plus déménagé dans le salon tout au mobilier de chambre à coucher. Ah, ça aurait été trop beau. Comme vous pouvez le voir, je les ai cherchés, moi aussi. Et ça se voit. J'ai vidé chaque pièce, chaque bureau, chaque commode, les garde-robes, même le frigo. Pis t'as rien trouvé, hein, mon vieil? Rien. Y'a ton téléphone sonne, mon hun. Ah, je sais bien, papère, je l'entends comme vous. Mais au lieu de rester là comme une emplote, aidez-moi à le trouver, voulez-vous? Sûr, mon hun, il y a quatre bandits. Ah, il est ici, mon vieil, under le sofa. Hello? Ah, c'est pour toi, mon vieil. Je m'en doutais. Oui, allô? Salut, Paul, c'est Cathy. Ah! Ah ben salut Cathy, ça va? Oui, ça va, merci. Écoute, j'étais en ville aujourd'hui et je suis passée chez toi à l'improviste. Ah bon? Oui, la porte était entrouverte et les chatons dont tu m'avais parlé sortaient un à un, pas trop sur deux, pour explorer le corridor. Oui, je vois. J'ai pensé que tu t'étais absente un instant. Logique. Pour faire une histoire courte, j'ai jeté un coup d'œil par la porte et quand j'ai vu les dégâts dans le salon, je me suis dit « Oh oh !» Ils ont fait du grabuge, les petits amours. Bref, j'en ai conclu que tu ne serais pas très heureux de voir les dégâts à ton retour. Aussi, j'ai ramassé les chatons et je suis partie sans t'attendre. J'espère que c'est correct. Oui, oui, c'est beau. Il y avait bien 10 chatons. Oui, oui, 10. Je crois qu'ils seront heureux ici, à la ferme. Ah, j'en suis sûr. Viens les voir à l'occasion. Je n'y manquerai pas. Ok, bye. Bye, Cathy. C'est à qui? Cathy, une amie. Et lui, c'est une ferme à campagne. Qu'est-ce qu'elle voulait? Monsieur Pépère, comme vous êtes indiscret! Que voulait-elle, mon polo? Je sais pas trop comment vous dire ça, là, mais... Ça a rapport avec les kittens, hein, mon vieil? Ouais. Mais ben, accouche, mon hun, qu'on en finisse! Eh bien, Eh bien, il semble que pendant que nous étions, Picard, Pépère, le témoin, Madame Coudon et moi... dans le bas de l'armoire. Hey, mon hun, on sait que c'est qui était dans le bas de l'armoire. On était tous là, sauf le réseau pis l'angle. Arrête de niaiser avec la POC, là. Ah, pépère, arrêtez un peu de m'interrompre pis ça va aller plus vite. Oui, vénérée aïeul, cessez un peu. Hey, toi, mon petit casse. Bref, pendant que nous étions tous les 5 dans le bas de l'armoire, et avant qu'en arrive l'annonceur, est arrivée mon amie Cathy. Celle qui possède une ferme à la campagne. Tout juste. En faisant la tournée de mes parents et amis, afin de trouver des volontaires pour adopter les chatons, j'avais bien sûr songé à elle. Mais lorsque je l'ai contactée, elle était absente sur la côte nord à manifester pour la protection des baleines. Elle aime beaucoup les animaux, Cathy. Ça fait qu'elle est revenue de la côte nord et qu'elle a abouti ici ce matin. C'est ça. Puis? La porte était ouverte et les chatons avaient commencé à sortir dans le couloir. Je suis désolée, Monsieur Courtemèche. Je ne le répéterai jamais assez. Ouais, tu l'as assez dit, Maren. Ah ouais, mon hun, continue. Comme la porte était ouverte, elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En voyant les dégâts, elle a aussitôt conclu que le chaton était en pause. Ah oui? Pas des malfrats? Non, pas des malfrats. Voilà qui est étonnant. Puis? Me croyant absent pour un moment, elle s'est dit que je serais pas de bonne humeur quand je reviendrai et que je verrai les dégâts. Aussi, elle a emporté le chaton sans rien dire. Vous voulez dire... Qu'on a cherché tout partout pour rien. Oh, de Jésus! Boswell! Je peux vous payer la pizza en échange? Je suis bien trop lasse. Me too. Et moi donc? Toute cette aventure ne vaut même pas un coup de fil à la salle des nouvelles de la station. Bah, si au moins tu t'étais fait défoncer, mon polo. Désolé. Allons donc. Ne soyez pas désolé pour si peu. Cela nous aura au moins donné l'occasion de faire une bonne action. Et puis moi, je n'ai pas détesté ces rapprochements dans le bas de l'armoire. Témoin, que dites-vous là? Je te vois encore, mon petit casse, tout est foiré. Coudonc, finalement, j'aillerai pas sur moi une petite pizza. Me too. Après tout, pourquoi pas? Quelle bonne idée! Un pique-nique intérieur à la bonne franquette! À la bonne heure! Commandez et on vous le livrera. Quelqu'un a vu le téléphone?